un podcast réalisé par Emma et Léa. Putain de combat. Une question de prostitution. Épisode 1. Une question d'identité. Fille de joie, boucanière, cocotte, catin, courtisane, femme légère, pétasse, pute, racoleuse, tapin, traînée. Autant de termes négativement connotés pour désigner une seule et même personne, la prostituée. Quels discours sont portés sur elle? Quelles sont les conséquences de cette production d'identité? Où en est-on aujourd'hui? Voici les différents thèmes qui seront abordés dans cet épisode. Pauline Tarnowski, docteure en médecine et membre du bureau de la Société d'anthropologie de Saint-Pétersbourg, publie en 1892 une étude anthropométrique sur les prostituées et les voleuses. En voici quelques extraits. Les prostituées de tous les pays et de toutes les époques présentent beaucoup de similitudes entre elles, grâce à des traits typiques qui leur sont communs et qui leur prêtent certains aspects moraux, qui les distinguent de toutes les femmes qui ne font pas métier de la débauche. Des mensurations crâniennes faites d'après le système Broca montrent que presque toutes présentent des anomalies physiques ou des anomalies du crâne, de la face, des oreilles, des dents défectueuses. La simple comparaison de ces chiffres avec ceux recueillis sur les types normaux nous donne une démonstration évidente de l'existence d'anomalies physiques. Des traits physiques et psychiques leur sont alors attribués pour les distinguer des femmes dites normales. C'est une réelle pathologisation de la prostituée. On les considère comme des femmes faibles, soumises, dégénérées, en proie à des problèmes psychologiques, inadaptées. On les voit comme victimes de la prostitution. À la fin du XIXe siècle, on met en place la Brigade des Mœurs. Son but est de s'occuper d'affaires relatives à certains crimes contraires à la moralité publique. Ils inscrivent donc certaines personnes à des registres pour les recenser, les observer et pouvoir mieux les contrôler. Les prostituées en font partie. Dans les registres, on retrouve le nom, les liens familiaux, un détail sur leurs agissements, où, quand précisément et avec qui. Elles étaient suivies et espionnées en permanence. Aujourd'hui encore, il y a une forte politique de contrôle des prostituées. À Paris, la politique municipale est très répressive contre le travail du sexe. Les arrêtés municipaux, le harcèlement policier et les contrôles se multiplient. En 1802, une visite médicale obligatoire est mise en place. C'est un contrôle du corps des femmes. Quand elles sont atteintes de syphilis, on les sort du réseau prostitutionnel et on les enferme à Saint-Lazare, une prison plus qu'un hôpital, sur simple avis médical. Aristide Bruand en a fait une chanson, reprise par Barbara en 1967. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris à la visite. Je me suis fait coffrer l'autre soir et je te déclare. En attendant, me voilà dans le tas, à Saint-Lazare. Alexandre Parent du Châtelet, médecin hygiéniste et auteur de l'essai « De la prostitution dans la ville de Paris », qui est devenu une référence sur l'histoire de la prostitution et de la criminalité parisienne, décrit les prostituées ainsi. Les prostituées sont aussi inévitables dans une agglomération d'hommes que les égouts, les voiries et les dépôts d'immondices. Elles contribuent au maintien de l'ordre et à la tranquillité de la société. Mais elles sont aussi une menace morale, sociale, sanitaire et politique. Il faut donc réglementer leur mise à l'écart pour qu'elles ne risquent pas de transmettre leurs vices aux femmes honnêtes. On se rend alors bien compte que la question de la prostitution est bien considérée comme un problème social en matière de bonnes mœurs et de santé publique. Les discours médicaux de l'époque contribuent à la formation de l'image de la prostituée comme étant une femme sale, sans principe et sans morale. Les médecins ne sont pas les seuls à avoir un discours sur les prostituées. La figure de la courtisane obsède les artistes du XIXe siècle. Émile Zola, par exemple, décrit l'ascension et la déchéance d'une fille de joie dans son livre Nana, publié en 1880. À la fin de celui-ci, il nous livre une description de cette femme au visage qui se décompose à cause de la syphilis. Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre, et, flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre sur cette bouillie informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence, l'autre, à demi ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore, toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche qu'elle tirait dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. Zola nous décrit un visage monstrueux, comme une punition pour Nana qui ensorcelait les hommes par sa beauté. Signe de cette fascination pour les prostituées, les maisons closes étaient très fréquentées par les artistes. Certains comme Prévert, Hemingway ou Sartre en étaient même des habitués. D'autres artistes, comme les peintres Toulouse-Lautrec, Manet ou Degas, avec des œuvres comme La Goulue, Olympia ou La Fête de la Patronne, tentent de représenter la prostitution, mais toujours avec une vision très masculine, pas toujours représentatif de la réalité de ces femmes. Victor Hugo a une autre vision de la prostituée. Pour lui, c'est une victime. Pas d'injure à ces malheureuses que vous coudoyez le soir dans la rue. Souvenez-vous que la plupart ont été livrées à la prostitution par la faim et se sont laissées tomber dans le ruisseau pour ne pas se jeter dans la rivière. Aujourd'hui encore, les mouvements et autres associations abolitionnistes ont comme argument principal la position de victime des prostituées. Par exemple, pour le mouvement d'Uni et Oser le féminisme, la prostitution est une violence où les femmes sont contraintes de vendre leur corps aux hommes. À partir des années 1970, les prostituées se révoltent et commencent à lutter pour leurs droits. En juin 1975, les prostituées lyonnaises occupent l'église de Saint-Nizier. Elles parlent de leur histoire personnelle, de leur rapport avec la société, de leurs conditions de travail et de leurs revendications. Ils ne sont pas d'accord du fait qu'on va en prison. Et on va en prison pour rien. C'est basé sur des PV que nous recevons tous les soirs. Des PV qui s'élèvent à 160 francs. On en a 4 ou 5 par soirée. Et chaque PV relève de 3 à 5 jours de prison. Et le fait que nous allons en prison risque de nous faire enlever nos enfants. Et c'est surtout contre ça que nous luttons, parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on nous enlève nos enfants. C'est absolument interdit, c'est même impensable, aucune mère ne peut l'accepter, parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour eux, et surtout pour eux. Depuis 2009, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, aussi appelé STRAS, milite pour une reconnaissance de l'activité de prostitution comme un travail. Il y a toujours des infractions qui sont utilisées contre nous, il y a toujours les lois sur le proxénétisme. Il y a toujours des expulsions des collègues migrants qui sont envoyés en centre de rétention. Au lieu de passer en garde à vue, on peut passer 30 jours en centre de rétention. Donc arrêtez de dire n'importe quoi et de dire que la pénalisation n'existe plus, c'est faux, elle est toujours là. Et nous continuons à lutter contre et à demander ton arrêt. Emma Baker, auteure du livre La Maison sorti cette année, s'est prostituée pendant 2 ans dans une maison close à Berlin. Dans une interview accordée à France 24, elle déplore le manque de prise en compte de la parole des prostituées dans la mise en place des différentes lois réglementant leur activité. C'est parce que je pense qu'on a une méconnaissance extrême des femmes qui pratiquent ce métier, surtout quand elles le pratiquent de façon affranchie ou réfléchie, et qu'on a finalement des échos que de la prostitution forcée. C'est à peu près le seul angle sous lequel on traite ce sujet. Et il me semblait que c'était important que pour une fois, on se rende compte aussi qu'il y a des femmes qui revendiquent le fait de faire ce métier et qui ont besoin de conditions dignes. C'est vrai que qu'on réfléchit pas sur la question et qu'on n'écoute pas ces femmes, ces hommes qui pratiquent ce métier sans y être forcés, je pense que les choses effectivement n'avanceront pas. Toutes ces lois qu'on est en train de créer n'ont que pour effet de rabattre la prostitution en périphérie totale de la société, et ça ne peut absolument rien donner de bon. C'est une augmentation des violences, du trafic, de tout ce qu'on veut. Pour en revenir. La prostitution est une source de conflit dans une société où la parole n'est pas à la prostituée. Tout au long de l'histoire, on remarque que leur visibilité est largement inférieure à celle des mouvements abolitionnistes, qui sont en accord avec le discours de l'État. Autrement dit, on parle beaucoup d'elles, mais elles ne parlent pas beaucoup. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons plus précisément aux mouvements abolitionnistes, à ses revendications ainsi qu'à ses projets de loi.